Il fut des situations qu'Anne n'aurait dû connaître, et bien des amours qui n'auraient pas dû naître. Elle ne fut pas la première à tenter de paraître, mais le charme d'Anne enflammait tout son être. Elle vit l'honnêteté sans même la reconnaître, la simplicité sous ses yeux apparaître. Et Anne apparut volant son attention. Dès lors, il sut ses intentions. Elle rejeta l'humain sans plus de questions pour vivre sa vie avec son Apollon. Mais gardaient en tête qu'il leur paraissait louche, car ils aimaient Anne d'habitude sainte ni touche, et buvaient les paroles qui sortaient de sa bouche. La voir ainsi frêle et domestiquée leur donnait des raisons de s'inquiéter. Ils en firent par Anne bien trop aveuglés pour les écouter être raisonnés. Écoute Anne, crois-moi Anne, il te manipule et te veut du mal plus qu'une crapule. Ce type n'est pas normal. Ça pas normal, ça ne l'entend pas. Et Anne, quant à elle, perchée sur son nuage, ne détournait les yeux de ce si beau visage. Et pendant l'heure ou deux qu'a duré ce voyage, elle n'aperçut pas l'ombre de l'eau.